Asante Buana. Tu vas prier pour ton cœur. Utaomba juu ya moyo wako. Pendant une minute. Kwa dakika moja. Prie pour ton cœur. Ombea moyo wako. Seigneur. Sema Buana. Nous sommes les jeudi aujourd'hui. Tuko siku ya ine leo. C'est-à-dire le cinquième jour. Siku ya tano ya maombi. Nous sommes le cinquième jour, Seigneur. Leo ni siku ya tano ya maombi. Il restera vendredi, samedi, dimanche. Kuna baki siku ya tano ya sita na siku ya Jumapili. Vivre ma part. Sema natamani kuishi sehemu yangu. Dis à ton cœur, mon cœur. Sema moyo wangu. Arrange-toi. Jipange. Arrange-toi. Jipange sawa sawa. Prendre ta part. Prions le Seigneur. Tuanze kuomba Mungu. Levons nos mains devant l'Éternel. Santé Jésus. Merci Jésus. Mwinulie tu mikono. Lève ta main devant Dieu. Santé Jésus. Dis-lui merci Seigneur. Amwambie toi santé Jésus. Dis-lui merci Jésus. Santé Jésus. Merci Jésus. Najua Mungu anasema neno lake. Vous savez Dieu dit dans sa parole. Ya kwamba que tangu ile siku depuis le jour mulianza kazi hii que tu as commencé ce travail. Aliwapatia yeyo neno. Il vous a donné cette, ce mot, cette parole. Et cette parole bado inasimama. Continue à tenir. Anasema ya kwamba, et il dit ceci. Vile nilikuwa na nyinyi. C'est long que j'ai été avec vous. Siku ile mulianza hii kazi. Le jour où vous avez commencé na ce neno travail. Ambalo niliwapatia. Et la parole que je vous ai donnée dès le début. Neno, c'est la même parole. Linasimama. Qui continue à tenir. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Mungu anasema, Dieu dit, musife moyo. Ne perdez pas d'espoir. Musivunjike imani. Ne perdez pas la foi. Kama vile nilikuwa na nyinyi. Comme j'ai été avec vous, siku ile ya kwanza. Dès le premier jour, mulianzisha kazi hii. Que vous avez commencé ce programme. Bado neno langu. Ma parole, liko pamoja nanyi. Continue à être avec vous. Mchungaji. Pasteur pamoja na mama et maman, mnakumbuka ile siku ya kwanza, vous vous souvenez du premier jour yenye mlisema, que vous avez dit tunaanza hii kazi, nous commençons ce apa, travail apa Goma, ici à Goma cette œuvre. Hiyo siku ya kwanza, ce premier jour, hamkukua na mutu, vous n'avez personne d'autre, hamkukua na kitu, vous n'avez rien, hamkukua na pahali, vous n'aviez pas un endroit, mlikuwa tu na Mungu, vous aviez seulement Dieu peke yake, seulement Dieu. Mungu anasema, et Dieu dit tazama. Voici safari, le voyage nimewaleta, où je vous ai fait parcourir hiyo, le parcours dès les débuts jusqu'aujourd'hui. Ni neno langu tu, c'est ma parole seulement waleta, qui vous a fait arriver jusqu'ici. Na hiyo neno, et cette parole bado iko na nyinyi, continue à être avec vous. Hiyo neno, cette parole bado iko na nyinyi, continue à vous soutenir. Mungu anasema, et Dieu dit tangu siku hiyo, dès ce jour-là, vile nilikuwa na nyinyi, comme j'ai été avec vous, bado niko na nyinyi, je suis toujours avec vous. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Musife moyo. Ne perdez pas d'espoir. Musifadaike. Ne lâchez pas. Alianza kazi hii. Il a commencé ce travail. Atakamilisha kazi hii. Et il va le faire aboutir. Et plusieurs fois quand je viens ici, je dis, Mungu akiahidi, quand Dieu promet, atatenda, il va le faire certainement. Mungu akiahidi, quand Dieu promet, tenda, il l'accomplira. Asubuhi tulikuwa na kina dada. Le matin, nous étions avec les femmes. Wakaimba wimbo wenye nilikuwa sijui kama watu wa Kongo wanajua. Ils ont chanté un cantique, je ne savais pas que les Congolais chantent aussi ce cantique. Kama mvua ishukavyo toka binguni kwenye hamu, na neno lake kwa kinywa chake alitarudi bure Misa mapenzi yake litatenda alivyosema aliahidi atatenda tumainie Bwana Mvua ishukayo toka mbinguni kwenye ardhi na neno lake kwa kinywa chake alitarudi bure litatimiza mapenzi yake litatenda alivyosema aliahidi atatenda Kenya sisi uongeza kusema Bingu zilivyo juu ya ardhi Waimbaji mnajua hiyo Bingu zilivyo juu ya ardhi Mawazo yake ni makuu Bingu zilivyo juu ya nchi Mawazo yake ni makuu Turudia tena Mawazo yake siyo zetu Njia zake si kama zetu Mbingu zilivyo juu ya nchi Mawazo yake ni makuu Ataagiza kazini zake Wimbo wake kwangu usiku Sifadhaike Acclamons très fort pour le Seigneur. Il a promis qu'il fera. Bwana Yesu asifiwe. Gloire à Dieu. Aliahidi. Il a promis. Atatenda. Qu'il fera. Ebwambia jirani yako aliahidi. Dis à ton voisin, il a promis. Atatenda. Et il fera. Kama alisema. Si tu n'as, si il n'a pas dit. Atakubariki. Il va te bénir. S'il a dit qu'il va te bénir, il va te bénir. S'il a dit. Kama alisema. S'il a dit. Atakuinua. Qui va t'élever. Atakuinua. Il va t'élever. Kama alisema. S'il a dit. Atakuponya. Il va te guérir. Atakuponya. Il te guérira. Kama alisema. S'il a dit. Anakupenda. Qu'il t'aime. Anakupenda. Il t'aime sincèrement. Kama alisema. S'il a dit. Atakupigania. Il va combattre pour toi. Il combattra pour toi. Siku ya leo. Aujourd'hui. Natangaza. Je déclare ya kwamba Mungu que Dieu atatenda agira kila jambo chaque chose yenye aliahidi chaque chose qu'il a dit hakuna neno la Mungu il y a pas une parole de Dieu yenye ameachilia qu'il a laissé juu yenu il a parlé sur ya kanisa sur cette église yenye itarudi kwake qui va rentrer chez lui sans accomplir ce qu'il devrait accomplir au nom de Jésus Na anasema, et il dit, sio ati atafanya baada yenu. Il ne dit pas qu'il va le faire après vous. Atafanya, il va le faire wakati wenu. Dans votre temps, dans votre saison. Atafanya kwa wakati il wenu. Le fera dans votre saison. Natangaza siku ya leo. Je déclare aujourd'hui, ahadi ya Bwana, les promesses de l'Éternel haivunjiki milele. Ne seront pas brisées. Aliahede, il a promis atatenda, et il le fera. Atawabareke, il vous bénira. Atawainua, il vous élèvera. Atawafungulia milango, il ouvrira des portes devant vous. Il vous guérira au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons Jésus. Élevons nos mains. Baba, katika jina la Yesu. Père, au nom de Jésus, umeahidi, tu as promis mambo mengi, plusieurs choses kwa kila mmoja wetu, à tout un chacun de nous. Lakini Mungu, mais Dieu, shetani amekuja, le diable est venu, akapanda mambo yake, et il a mis, il a semé ces choses, shaka, et il a apporté le katika doute maisha ya watu wako, dans le cœur de tes enfants. Mungu, tunakuja, Dieu, nous venons katika jina la Yesu, au nom de Jésus, na tunaharibu, et nous sommes en train de détruire zote, toutes les œuvres du diable qui sont en train de combattre contre nos promesses au nom de Jésus. Baba, Seigneur, nous venons déclarer que tes promesses vont s'accomplir au nom de Jésus. Mungu, Dieu, wewe ni Mungu, tu es Dieu. Hauzuiliwi na mtu. Personne ne peut t'empêcher. Et il y a une chose, il n'y a pas quelque chose qui peut te bloquer. Tu n'es pas bloqué par le temps. Tu n'es pas bloqué par quoi que ce soit. Dans la vieillesse, Abraham, tu as fait quelque chose pour Abraham. Sarah. Tu as fait quelque chose pour Sarah. Ils croyaient que ça ne serait pas possible. Mais ça a été possible. Baba, natangaza, Père, je déclare, kwa mtu mahala hapa, pour quelqu'un en ce lieu, itawezekana, ça sera possible. Baba, itawezekana, ça sera possible. Nafungua ma familia, j'ouvre les familles, je libère les familles. Ndoa, je libère les mariages. Nafungua fedha, je libère les finances. Nafungua afya, je libère la santé. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kila jambo lolote, chaque chose ambalo shetani umefunga, que le diable a bloqué, leo, que ça échoue amrisha, à partir d'aujourd'hui, jina la Yesu, au nom de Jésus, achilia sasa, lâche, achilia familia, lâche la famille, achilia ndoa, lâche le mariage, achilia kazi, lâche le travail, achilia biashara, lâche les affaires, achilia amani, lâche la paix, achilia upendo, lâche l'amour, katika jina la Yesu, au nom de Jésus. Kwa sababu Mungu, parce que Dieu aliwaahidi, l'a promis. Kwa hivyo Mungu, ainsi Dieu atatenda, il agira. Mkono wake sio mfupi, sa main n'est pas courte, atawaokoa, il vous sauvera. Akisema, quand il dit, il va te bénir. Hakuna, personne ne peut se tenir devant cela. Asante Yesu. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Jésus. Nataka watu wenye imani, j'aimerais que les gens qui ont la foi, wale watu wanatamani ndoa, ceux qui ont besoin de mariage, na siku zao za ndoa zimeenda sana, et les années ont avancé. Watu wamefika miaka 28 na kuelekea. Sont arrivés à 28 ans révolus et plus. Mama, katika jina la Yesu. Je me lève, je me tiens debout au nom de Jésus. Zile madhabahu. Et j'aimerais briser ces hôtels. Ambazo zinawakataza ndoa. Ces hôtels qui sont en train de bloquer votre mariage. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Ninafungua ndoa. Je libère le mariage. Eh madhabahu. Sur cet hôtel. Eh madhabahu. Oh hôtel. Eh madhabahu. Oh hôtel. Mwaka huu 2020. Cette année 2020. Eh madhabahu. Oh hôtel. Naitisha ndoa. J'appelle le mariage. J'appelle les maris. J'appelle les femmes. Naitisha arusi. J'appelle les mariages. J'appelle le mariage. J'appelle les maris. J'appelle les femmes. Naitisha. J'appelle. Naitisha. Je fais appel. Naitisha. Je fais appel. Naitisha. J'appelle. Baba, naitisha ndoa. J'appelle le mariage. J'appelle. Naitisha ndoa. J'appelle le mariage. Naitisha ndoa. J'appelle le mariage. Katika jina la Yesu. Au nom de siku Jésus. Aujourd'hui je brise tout roho ya kutolewa. Baba, l'esprit de manque de mariage est brisé. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, je voudrais les briser. Dans les ciels, je les brise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba wa binguni, Père céleste, rozote, tout esprit zinazovunja ndoa, qui brise les mariages katika ikanisa, dans cette église, Baba natangaza, je déclare siku ya leo, aujourd'hui tunaivunja, nous les brisons katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Baba, tunakanyaga, Seigneur, nous les piétinons. Nous piétinons la tête du serpent et tout son pouvoir qui est au contraire au mariage et contraire aux familles. Au nom de Jésus. Naomba uponyaji. Je prie pour la guérison. Uponyaji wa mwili. La guérison du corps. Uponyaji wa roho. Guérison de l'esprit. Na uponyaji wa maisha. Et guérison de la vie. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Aliahidi. Il a promis. Atatenda. Qu'il fera. Njia zake. Ses chemins. Sio kama zetu. Ce ne sont pas comme les nôtres. Aliahidi. Quand il promet. Atatenda. Il accomplira. Anaishi binguni. Lui il vit au ciel. Sisi tunaishi duniani. Nous sommes sur la terre. Hatutoshani na yeye. Nous ne sommes pas la même chose que lui. Quand il dit. Atakubariki. Il va te bénir. Personne ne peut bloquer cela au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur, poussons des cris de joie. Amen. Amen. Amen. Amen. Haya basi. Tuketi chini. Nous pouvons nous rasseoir katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Bwana Yesu asifiwe. Gloire soit rendue à notre Dieu. Asante kwa mchungaji. Merci, pasteur. Asante kwa mama. Merci, maman. Asante kwa viongozi wote. Merci à tous les dirigeants. Asante kwa ndugu yangu Noah, pasta. Merci à mon frère, le Asante pasteur Noah. Asante kwa ajili yenu wote. Et merci à vous tous. Asante kwa ajili ya Goma. Merci à Goma. Mungu anasema. Dieu dit. Kama alivyokuwa na nyinyi. Comme il a été avec vous. Siku ile ya kwanza. Dès le premier jour que vous avez commencé cette œuvre, ce même Dieu bado yuko na nyinyi est encore avec vous. Il va accomplir son œuvre au nom de Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur en disant Amen. Je remercie Dieu. Moi, c'est le révérend Alan. Kiombe. Kiombe. Kiombe, c'est le nom de mon père. Et c'est devenu aussi mon nom. So, naitwa Alan Kiombe. Donc, mon nom, c'est Alan Kiombe. Je suis marié à une femme et deux enfants. Ninachunga kanisa kule Kenya. Je suis pasteur d'une église au Kenya. Mimi napenda Yesu. Et moi j'aime Jésus. Ninaelekea binguni. Je suis dans mon voyage vers le ciel. Na Roho Mtakatifu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Kwa ishara ya kunena na lugha. Et il y a la démonstration par le parler en langue. Na ninapigana na shetani. Et je combat le diable. Kumshinda kila wakati. Pour le vaincre à tout moment. Kwa sababu Yesu anaishi ndani yangu. Parce que Jésus habite en moi. Na yeye anayekaa ndani yangu. Et celui qui est en moi. Ni mkubwa kuliko yule anayekaa ndani yangu. Et plus fort que celui qui est dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si asanteni. Merci beaucoup. Si tu dipigie makofi. Acclamons pour le Seigneur. Jana tulisoma Biblia. Hier, nous avons lu la Bible. Leo. Nous allons continuer aujourd'hui. Kidogo. Demain, nous allons être enseignés un peu. Ya et puis, nous allons faire une prière de délivrance. Si et puis, il y aura un autre programme Asubui, pour le samedi. Hapa, le matin, nous étions là. Nous avons parlé de la puissance d'écraser. La puissance d'écraser. Et nous avons reçu l'onction pour écraser le diable et ses œuvres et commencer le travail de Dieu. Si tu n'étais pas là ce matin, nous t'invitons demain matin. C'est juste quelques jours et c'est demain seulement et samedi. Donc viens demain que nous puissions prier ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous étions avec les femmes. Les femmes, les sœurs. On les appelle les sœurs. Nous avons eu de bons moments. Nous avons prié ensemble. Et quand on appelle la réunion des femmes, il faut arriver les femmes. Il faut pas seulement vouloir les réunions où il y a les hommes aussi. Et quand il y a réunion des hommes, les hommes, allons-y aussi. Ne venons pas seulement aux rencontres où il y a aussi les femmes. Et Dieu nous a visités. Et Dieu nous a bénis. Et même maintenant, il va encore nous bénir. Au nom de Jésus. Disons Amen. J'ai dit aux femmes, les hommes, ils ont été créés dans la cour. Adam a été créé dans la cour. Là où Dieu était en train de créer aussi les vaches, les éléphants, les crapauds, tous les animaux. Dieu nous a créés là-bas. Et puis il nous a enlevés de cet endroit. dans cette forêt. Akatuleta kwa Garden of Eden. Et puis il nous a amené au jardin d'Eden. Pali safi sana. Où c'était un endroit très propre. Akaona huyu mwanaume. Et il a vu ce Tom. Ana tabia msituni huko. Il a des habitudes de la forêt. Hawezi kurembesha hii garden. Il ne va pas faire que le jardin soit beau. Et il a décidé de créer la femme toka hapa ndani yetu. À partir de l'homme. Na akapea mwanamke power. Et il a donné à la femme la puissance ya kutengeneza garden. D'entretenir le jardin. Yesu asifiwe. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on pouvait voir un homme a construit une belle maison. Mais parce qu'il a la mentalité de forêt, quand tu entres dans la maison, tu verras il y a des tasses ici, verre là-bas, casserole là-bas, les chaussures là-bas. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été créés. Et nous sommes arrivés au jardin. Et c'est comme ça que quand on a une femme, quand la femme entre dans la maison, et puis vous visitez le même homme après une semaine, vous trouvez les choses sont ordonnées, c'est propre la maison, chaque chose est à sa place. Parce que Dieu a donné aux femmes l'esprit de la propreté. Il a donné aux femmes, aux hommes, c'est juste pour construire, l'esprit de construction. Disons Amen. Amen. Recevons nos bénédictions au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Je voudrais que nous puissions lire rapidement Marc chapitre 5. Vous allez mettre pour nous Marc chapitre 5 à partir du premier verset et nous allons lire jusqu'au 9e verset. Marc chapitre 5. En anglais c'est Marc. En swahili c'est Marco. Marc. Sijui nini na wanyonganga weka maha rakara tumweka tutaenda mpaka 9. Nous allons lire jusqu'au 9e verset. Verse by verse. Verset par verset. Tusome wote pamoja 3 go. Lisons ensemble 1 2 3. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. » Amen. Acclamons pour le Seigneur. Kwa hivyo jana nilisema tunajadiliana kuhusu kubadilisha mazingira ya kiroho. Hier j'ai dit nous parlons sur comment transformer le climat spirituel. Changing spiritual climate. Changer le climat spirituel. Ili iwe na ile mazingira ambayo inatufeva. Pour que nous puissions avoir un climat favorable. Kwa sababu kuna mazingira mengine ya kiroho. Parce qu'il y a un climat spirituel. Yenye hupigana pamoja nasi. Qui combat avec nous. Na kuna mazingira mengine ya kiroho. Et il y a un climat spirituel. Yenye ukua upande wetu. Qui est de notre côté. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaenda kupanda mimea. Si vous allez s'aimer, unatafuta mahali penye climate inaweza kufanya hiyo mimea ime. Vous cherchez un endroit qui va faire que les choses puissent pousser. Awezi kuchukua mahindi. Vous n'allez pas prendre vos maïs, vos graines de maïs kwa climate ya desert. Et aller mettre s'aimer dans le désert. Haitawezekana. Ça sera pas possible. Bwana Yesu asifiwe. Gloire à Dieu. Kwa hivyo kuna mazingira fulani ya kiroho. Donc il y a un environnement spirituel yenye ikikua juu yetu, qui si cela est sur nous inapingana pamoja na kazi ya Mungu ndani yetu. ça va se battre avec l'œuvre de Dieu en nous. Il y a un environnement spirituel que si cela est au-dessus de nous, ça va aider l'œuvre de Dieu en nous. C'est pourquoi il y a des endroits où vous avez du succès sans beaucoup de problèmes. Et il y a des endroits où vous combattez beaucoup pour réussir. Hier, j'ai dit, il y avait cet homme, ce jeune homme, qu'on a appelé dans la Bible, qu'on l'appelait démoniaque. On l'appelait le possédé. Et lui, il était fils de quelqu'un. Mais parce qu'il était possédé, on lui a appelé possédé. Et lui-même, quand Jésus le rencontre, il lui a demandé quel est ton nom. Il n'a pas dit son vrai nom. Il a dit, mon nom c'est Légion. Une grande armée. Nous sommes une Légion. Parce qu'il y a plusieurs de nous dans lui. Et j'ai dit ceci. Quelquefois le diable opère et il fait, il nous donne son nom au lieu que nous puissions maintenir notre nom. Tu vas voir quelqu'un qu'on appelle, on appelle soulard, voleur, on l'appelle stérile, on l'appelle stérile, on dit celui-là est pauvre au lieu de lui l'appeler par son nom. Pourquoi? Les démons, ces démons, ces esprits qui sont en lui lui ont donné un nom à cause de la vie, à cause des démons qui sont en train de vivre dans sa vie. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez déjà appris quelqu'un qui qu'on appelle stérile? Au lieu de dire on va voir Suzanne, on va voir cette femme stérile. Au lieu de dire on va voir Monsieur Paul, on va dire on va voir c'est le vieux soulard là. Au lieu de dire on va voir telle personne, on dit tu ne vois pas chez le pauvre là. Ou quand ils vont visiter le malade, tu es malade jusqu'à ce que ton nom change. On dit où est-ce que vous allez? Vous dites on va chez le malade. Et le diable prend contrôle. Et puis ton nom est effacé. Gloire à Dieu. La première chose que j'ai dit hier, l'esprit donne la vie. Quand il entre en nous, il nous donne sa vie. Nous commençons à vivre la vie du diable ou la vie de ces démons qui sont entrés en nous. Si c'était pour des vagabonder, nous commençons à vagabonder. Si c'est pour souffrir, nous commençons à vivre la souffrance. Si c'est pour être rejeté, nous sommes rejetés. Si c'est les démons de saleté, nous sommes souillés. Si c'est le péché de la prostitution, nous sommes des prostituées. Si c'est le démon du vol, nous devenons voleurs. Parce que l'esprit nous donne la vie. Quelqu'un dit amen. Gloire à Dieu. Deuxième chose. Deuxième chose. Ça nous donne ses habitudes. Quand l'esprit entre en toi, ça te donne ses habitudes. Ces esprits mauvais, ces démons, ils avaient l'esprit, c'était l'esprit de habitude de saleté. Quand ils sont entrés dans cet homme, cet homme commençait à vivre ses saletés. Il avait l'habitude de vivre dans les sépulcres. Quand il est entré dans cet homme, cet homme ne pouvait plus rester dans la maison. Il avait maintenant l'habitude d'être au sépulcre. Comme vous allez voir les démons ou les démons qui vivent dans quelqu'un, il faut voir juste ses habitudes. Si ces démons sont les démons de la calomnie, ils aiment beaucoup calomnier et parler des autres, cette personne aura l'habitude de la calomnie aussi. S'il y a l'habitude de l'amertume, il a l'amertume quand il voit les gens. Vous allez voir quelqu'un qui est toujours amer. Il est amer, il a l'amertume envers ses parents, envers envers son église, dans son mariage, partout. Parce que celui qui est en lui, il a cette amertume. S'il a l'habitude de coucher avec les gens, c'est la prostitution, la débauche. Vous allez voir une personne bien, qui est bien vêtue en veste, et il est vraiment chic, et il porte la Bible. Mais quand il rencontre quelqu'un, à cause de la prostitution, de la débauche, ça devient une habitude. Vous allez voir, oh non, hier je suis tombé. Oh, je suis tombé avec tel. Oh, je suis tombé encore avec tel. Même si cette personne est dans l'église. Parce qu'il y a le démon de la prostitution ou de la débauche en lui. Gloire à Dieu. Si c'est pour manquer le travail, si c'est pour mendier, si c'est pour souffrir, l'habitude là va aussi entrer en vous. Gloire à Dieu. Quelquefois, je vois chez nous, les gens sont en train d'avoir des problèmes dans le mariage. Il y a la femme qui dit que mon mari aime trop les femmes. J'ai déjà appelé les gens pour venir parler à mon mari, mais il ne comprend rien. Même si vous lui parlez maintenant, il dit je ne veux plus répéter ça. Mais le soir même, il rentre dans la même chose. On lui dit ça c'est un démon. Et on ne parle pas comme ça à un démon. Un démon il faut chasser. Vous avez déjà parlé à un soulard. Vous pouvez passer 5 heures de temps. Et vous parlez, vous dites non, il faut laisser la bière. Et il va dire, je promets, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus boire. Mais quand il va juste accompagner les visiteurs, il revient en étant ivre. Les démons, on ne parle pas avec eux. Les démons, il faut les chasser. Disons Amen. Gloire à Dieu. Il te donne ses habitudes. Et il y a certaines habitudes que nous avons. Même si quelqu'un écoute que nous avons fait quelque chose comme ça, il dit non, non, ça c'est pas toi. Il y a quelques autres d'autres en toi qui t'a poussé à faire ça. Il y a des comportements. Et quand il entre en toi, tu prends le comportement de l'esprit qui est entré en toi. Vous voyez dans la Bible, quand Caïn, il était fâché contre son frère Abel, Dieu vient lui dire, le diable s'est tenu debout, il est à ta porte, et s'il entre à toi, il va te dominer, tu vas faire ce que lui veut. Et quand cet esprit est entré en lui, cet esprit de tuerie, Caïn a pris la machette et il a tué son frère. Il a fait les œuvres du diable. Donc celui qui entre en toi, il fait que tu puisses faire ses œuvres. Tu accomplis ses œuvres. La Bible dit, ce jeune homme, il était en train de courir. Il allait au sépulcre. Chez nous, il y a des gens qu'on appelle les coureurs de nuit. Ils courent la nuit. Et on ne les paye pas. C'est un démon qui est en eux. On m'a dit ici, il n'y en a pas. Mais il y a des démons qui entrent en quelqu'un. Et pendant la journée, il est bon, il est bien. Mais à partir de vers 0h de la nuit, il enlève les habits. Et puis il commence à courir pendant la nuit. Il est en train de déranger les voisins. On les appelle les coureurs des nuits. On dit que cette histoire, c'est un démon qui vit dans ces personnes. S'il entre en toi, ce démon-là, tu vas faire ça. Amen. Je parlais avec quelqu'un. Il m'a dit qu'il a embauché quelqu'un. Une femme pour aider domestique à la maison. Ils ont vraiment aimé cette femme. Et cette femme, malheureusement, a empoisonné leur enfant. Un enfant est mort. Ils n'ont pas su c'était quoi. Il a empoisonné deuxième. Deuxième enfant est mort. Et Dieu a aidé, il puisse connaître avant quand il était en train de vouloir empoisonner le troisième enfant. Ils lui ont dit, on t'a déjà aidé beaucoup. On a scolarisé tes enfants. Nous t'aimons. Pourquoi tu fais ça? Elle a dit, je ne sais pas. Il y a quelque chose en moi. Il arrive à un certain moment. Il faut seulement que je tue quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Ils font que tu puisses faire accomplir ses œuvres. Si c'est l'esprit de combattre dans le mariage, il promet, je ne vais pas te toucher. Mais il y a un peu de querelle. Tu vois la main, tu ne sais pas d'où la main est venue. Et il y a déjà une porte. Et après, tu te réponds. Tu dis, oh, je suis pasteur. Comment j'ai fait ça? C'est l'esprit qui est en train d'agir en toi. Si tu as l'esprit de mensonge dans le mariage, même si on t'aime, comment? Même si ton mari te porte au pot, quand il s'agira de tomber, tu vas faire les œuvres de cet esprit. Disons Amen. Si nous sommes ensemble, est-ce que nous pouvons nous manifester et dire Amen? Amen. Son travail, c'est agir dans un homme. Il y a une fille, on a cherché du travail pour eux. Il y a dans une compagnie, parce que c'était membre de notre église, elle était dans le ministère caché. Tout ce qu'elle faisait, elle faisait bien. J'aimais beaucoup, nous aimions ce qu'elle faisait. On a dit, essayons de trouver un travail pour la fille. Et puis les choses commençaient à se perdre au boulot. Et on voyait que c'est cette jeune fille. Mais on disait, non, ça c'est la fille du pasteur quand même. Ça ne peut pas être. Il doit y avoir quelqu'un d'autre. Et on a continué à suivre le dossier. Et un jour, on l'a attrapé main dans le sac. Et on l'a chassé. On a dit, pasteur, la fille a volé. J'ai dit, non, vous mentez. Comme cette fille prie, comme elle balaye l'église, cette fille peut prier en esprit 3 heures de temps sans non-stop. J'ai refusé. J'ai cherché un autre boulot pour la fille. Après une semaine, on lui a chassé encore du boulot. On a dit, la fille a volé. J'ai dit non. Je lui ai envoyé encore à une autre organisation. Là, on lui a attrapé avec le téléphone de quelqu'un volé. Et on l'a amené avec le téléphone devant moi, dans son sac avec le téléphone. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je ne sais pas. Si je vois, je sens ma main commence à trembler jusqu'à ce que je puisse prendre. Vous savez, ces gens qui volent au supermarché, c'est pas les gens qui n'ont pas de l'argent qui volent. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Il va acheter des choses pour 20 000 et voler quelque chose de 20. Si vous l'attrapez, elle va dire, je ne sais pas c'était quoi. J'ai senti seulement qu'il faut que il y a un fils de pasteur. On le chassait de l'école parce que l'enfant a été voleur. Et le pasteur pleurait. Il a dit, pasteur, c'est vraiment honteux. Il y a des choses, si votre enfant fait ça, c'est vraiment honteux. Et c'est ces enfants qui ont l'air innocents. Quand tu les regardes, ils sont jolis, beaux, innocents. Vous savez, il y a des gens où les gens qui sont créés, vous le voyez, c'est comme il a sa figure, c'est comme un voleur. Vous le voyez. Si vous y faites des choses, vous n'êtes pas étonné parce qu'il ressemble seulement à ça. Parce que sa figure ressemble à ça. Même ici, il y a des gens, tu les vois seulement, ils ne sont pas. Ça n'inspire pas confiance. Il faut être prudent. Il faut être prudent avec eux. Nous disons au Kenya, ils sont coupables jusqu'à ce qu'ils seront prouvés innocents. Mais il y a des figures qui sont bien taillées, des yeux bien innocents. Mais quand il va à l'école, on le chasse parce qu'il a volé. Il va ailleurs, on le chasse. Et nous sommes venus pour prier. Parce qu'il y a des choses vraiment honteuses. Et c'est vraiment honteux. Mais c'est déjà accompli, c'est déjà fait. Est-ce que tu vas te tuer, tu vas te tuer à cause de la honte? Chez nous, nous disons, ils vont parler la journée. La nuit, ils vont dormir. Même s'ils vont rêver de cette histoire, le matin, ils vont se réveiller, le rêve est fini. Donc, il ne faut pas te préoccuper beaucoup de ça. Oh non, tu vas te moquer de moi. Même si tu parles, on ne va pas vous payer parce que vous avez parlé. Oh, parce que vous êtes moqué de moi, on va vous payer. Non. Vous allez utiliser vos unités pour rien. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont bénis par les démons. Il peut utiliser son téléphone. Il va parler pendant 20 minutes. Il est en train de parler de l'enfant d'autrui. Et d'autres moments, il ne peut pas parler parce que juste les unités sont terminées. Donc, prions pour ce jeune homme. Nous avons parlé avec lui. Il a dit, vous savez, il y a un jour, je venais de chez nous et je trouvais de l'argent. J'ai ramassé cet argent. Je n'ai dit à personne. Et je cachais ça. À partir de ce jour-là, je vole. Même vous-même, je vous ai déjà volé. C'est juste que tu ne savais pas que c'était moi. Parce que si c'est l'enfant du pasteur qui vous a volé, comment vous allez croire que c'est l'enfant du pasteur? Vous allez croire que c'est les enfants des soulards là, et les enfants des voleurs et consorts qui ont volé. Parce que c'est l'esprit de vol. Vous agissez selon l'esprit. Amen. Si c'est l'esprit d'avortement, tu vas avorter. Ou c'est toi-même qui le feras. Tu vas prendre des médicaments pour forcer l'avortement. Ou il y aura malaria qui va te prendre. Et tu vas perdre l'enfant. Parce que c'est l'esprit. Tu es en train de faire agir selon l'esprit. Si c'est l'esprit de célibat, mais quoi que tu fasses, même si tu vas chez les féticheurs et il va te dire il faut t'asseoir sur les chapatis et puis tu vas donner ces chapatis à quelqu'un pour qu'il puisse te suivre, tu vas rester célibataire. On dit chez nous, si tu vois que quelqu'un est dominé par sa femme, ça veut dire la femme s'est assise sur le chapati et puis lui a donné pour manger. Si la maman s'est assise sur ça, il ne faut pas laisser ça. Et puis le mari sera seulement là comme un mouton, il lui dit allons là-bas, il va. Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que l'esprit agit en toi, il fait que tu puisses agir selon cet esprit. Si tu sais, amen. Disons amen. Amen. Vous savez, les gens qui ont la jalousie. La jalousie. Tu ne me connais même pas. Et quand tu me vois ici en train de prêcher, il y a quelque chose qui entre en toi. Et même si c'est pas moi qui prêche, c'est pas toi qui vas prêcher d'ailleurs. Gloire à Dieu. Ce n'est pas dire que si moi je ne prêche pas, c'est toi qui vas prêcher. Si c'est pas moi qui prêche, c'est le pasteur Eston qui va prêcher. Donc il n'y a pas besoin que nous puissions avoir de problème avec toi. Il y a un pasteur, Dieu lui a béni, ils étaient vraiment pauvres. Et vous savez comment Dieu élève quelqu'un? Juste par chance, il a commencé à aller à l'église. Le pasteur l'a aimé. Il lui a aidé, il a ouvert une église. Son église a grandi. Il a commencé à voyager. Il a amené des choses. Et un jour, il a rencontré des personnes. Il leur a dit, je vais voyager. Venez que nous puissions en prendre un thé ensemble avant que je ne puisse voyager. Et il a amené même des bourses. Et puis la maman de ce pasteur qui était pauvre et le frère du pasteur qui est son supérieur Ils ont dit, et ces messieurs ici, comment Dieu l'aime beaucoup. Ils ont pris le poison du serpent. Ils ont mis sur sa tasse de thé. Il a bu. Il est tombé. Il est mort. Et puis comment tu seras jaloux de ton enfant? Peut-être un frère, une sœur, on peut comprendre, mais la maman. Comment ma maman était très contente quand elle a appris que je voyage, je vais au Congo. Le papa, peut-être, lui, il peut être jaloux. Je dis seulement pour rigoler. Amen. Quand le papa décide d'abandonner la famille, il peut faire n'importe quoi. Vous allez voir, le papa abandonne les enfants. Il décide de scolariser les enfants de l'autre femme qu'il a épousée après, et ce ne sont pas ses enfants. Donc il y a cet esprit d'être insensé et de folie qui entre en lui. Son enfant n'est plus scolarisé, mais il est en train de scolariser les autres. Et il dit, mes enfants, disons amen. Moi, j'ai dit des choses que j'ai vues. Ma soeur était mariée. Et il y a la maman qui a pris notre papa, qui est venue avec un autre enfant. Alors, le mariage était le même jour. Nous, on nous a chassés de chez nous. Nous sommes chez autrui. Et cet autre enfant fait son mariage chez nous. C'est les autres qui donnent notre soeur. Et ici, il y a notre papa qui est en train de donner une fille. Il ne sait même pas si c'est l'enfant de qui. Et il est bien en veste. Si même il était en t-shirt, peut-être. Et il dit, ma fille s'est mariée. C'est l'esprit de folie qui est entré en lui. Amen. Les hommes, ne soyons pas confondus. Les femmes ont besoin d'être mariées. Vous savez, il y a plus de femmes que les hommes. La Bible dit qu'il y a un jour qu'un homme sera recherché par quatre femmes. Les femmes vont dire, il ne faut pas même me doter. Je veux juste être connecté à toi. Il faut être prudent. Au nom de Jésus. Et si tu as des enfants, le jour que tu seras vieux, et les hommes, malheureusement, ils vieillissent plus vite que les femmes. Et je te dis, tuseme amen. Alors tu vois le diable en train d'utiliser les gens. Une maman qui tue son propre enfant. Et ils sont retournés dans la pauvreté. Et maintenant, ils sont méprisés. Parce que ce démon leur a utilisé dans la jalousie. Disons amen. Nous sommes ensemble, peuple de Dieu. Si cette chose entre en toi, tu vas faire son travail. Nous sommes ensemble. Et ma prière aujourd'hui, au nom de Jésus, je vous ai parlé de mon familier qui tuait les gens, le cousin. Il m'a appelé encore. Il m'a dit, la vie est devenue difficile. Je voudrais venir te visiter. J'ai éteint mon téléphone. Et j'ai changé de numéro. J'ai dit, ce type ici va venir me faire tomber ou faire tomber quelqu'un d'autre autour de moi. Parce qu'il y a cette chose qui est en lui. Il y a des membres de famille, il faut leur donner de la distance. Parce qu'ils peuvent apporter des problèmes. Il y a des gens qui sont entrés dans l'inceste. Vous comprenez l'inceste. Quelqu'un qui a eu des relations sexuelles avec son enfant ou avec sa sœur ou avec sa mère. Il y a une maman qui était jolie, grande. Et elle avait beaucoup de choses. Elle était responsable. Et elle avait son fils. Et ce fils a son, elle a son mari. Et son mari est bien. Mais quand le mari n'est pas là, la maman appelle le fils. Il dit, viens, on va coucher ensemble. Et ils sont couchés ensemble. Et jusqu'à ce que le jeune homme s'est tué, s'est suicidé. Parce que son esprit, son intelligence ne pouvait pas supporter ça. Il a écrit une lettre. Je me suis tué, je me suis pendu parce que depuis que je suis à l'école primaire et maintenant je suis à l'université, ma maman m'oblige de coucher avec elle. N'est-ce pas un démon, ça? Vous croyez que ça, c'est juste le désir? Non. Ça, c'est un démon. Vous voyez, même en disant cela, je vois que votre réaction. Vous voyez. Vous avez envie de vomir quand vous écoutez ça. Il y a un papa. Il a accouché avec son enfant, sa fille. Trois enfants avec sa fille. Et vous savez, si vous êtes une femme et vous savez que votre mari a fait ça, vous ne voulez même pas dire à quelqu'un. Ça, c'est vraiment mourir en l'intérieur. Et tu fais semblant de ne pas connaître ce qui se passe. Parce que si tu dis cela, tu rencontres cela, tu es fini toi aussi. Parce que c'est le diable. Nous sommes en train d'agir selon le diable. Amen. Disons amen. Et les gens commencent à faire. Mais le diable n'a pas peur et il n'a pas pitié de nous. Au nom de Jésus. Moi je dis cela parce qu'il faut que nous puissions faire un service, un culte de délivrance. J'aimerais que nous puissions comprendre. Si nous avons bien compris, c'est possible de faire le culte de délivrance. Une autre chose. Ça t'emmène là où ça veut, de son côté. Et il y a les endroits, des côtés où ces choses évoluent. Jésus venait d'un autre endroit. Il n'a pas rencontré ces genres de choses. Et puis il est venu là-bas et il a trouvé ces démons. Vous allez vous rendre compte, il y a des endroits, si vous êtes à cet endroit, les affaires marchent, le mariage avance, les enfants s'épanouissent. Et puis si vous allez à un autre endroit, la famille commence à être brisée, les enfants deviennent incontrôlés, le travail, il y a des problèmes, la pauvreté commence à revenir, parce que vous êtes entré à un endroit qui est dominé. Chez vous, tu peux être en train de bien vivre. Et puis tu te maries. Et après le mariage, quand tu entres, tu arrives là-bas, il y a des problèmes qui commencent. Il y a des maladies qui commencent. Il y a des problèmes de pauvreté qui commencent. Il y a des habitudes qui naissent. Parce que tu es entré à un endroit qui est dominé par un certain démon. Gloire à Dieu. Vous voyez, si vous entrez à Goma, on va te dire cet endroit c'est pour les riches et de l'autre côté c'est pour les pauvres et ici c'est pour ceux qui sont au milieu. Et même si on ne te dit pas et tu viens, tu es visiteur, tu vas te rencontrer selon ta classe. Il y a des endroits, quoi que tu fasses, même si tu penses à quoi, tu ne peux pas aller vivre là-bas parce qu'il y a les démons là-bas qui ont décidé, eux ils vivent cet endroit, les autres là-bas, et eux ils vivront là-bas. Et nous voulons briser cet esprit. Nous allons vivre en haut au nom de Jésus. Dans notre ville, dans ma ville, je combattis le diable jusqu'à l'endroit où j'ai mis l'église, dans un terrain de golf. Là où il y a les gens qui sont riches, les richards. Et moi aussi, ma maison est là, dans les endroits bien. C'est pas dire que je suis riche. Mais j'ai refusé que les démons puissent mesurer l'air pour moi. Et même l'école où mes enfants étudient, c'est vraiment l'école qui est au top. Et quelquefois, tu me trouves, je n'ai rien en poche. Mais j'ai refusé que les, que les démons me disent, oh non, il faut que toi tu vives là, tu es de telle catégorie. Même quand vous êtes malade, vous pouvez passer à l'hôpital parce que ce n'est pas ton niveau. Tu vas à un dispensaire là-bas. Même la morgue, il y a des morgues et des morgues. Moi, j'ai dit, on ne va pas mesurer l'air pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Et nous sommes ensemble, peuple de Dieu. Même à l'église. Il y a des gens, s'ils voient cette église, ils disent, ah, ça c'est une église des riches. Ah, moi je ne peux pas entrer là-bas. Et il y a un autre qui dit, je ne peux pas aller à cette église. Là c'est l'église des pauvres. Cette église, on ne doit pas mettre des limites. Le diable ne doit pas mettre des limites à cette église. Ça c'est l'église de tous. Au nom de Jésus. Il y a des endroits, si tu vas, tu vas trouver, il y a beaucoup de fous. Vous êtes déjà rendu compte de cela? C'est comme si on a donné les certificats pour les fous à cet endroit-là. Et il y a d'autres endroits, tu vas, et il y a pas de fous. Même, oh, même le fou est comme s'il est riche. C'est propre l'endroit. Il y a des endroits dans la ville où tu te promènes. Et tu vois là-bas, c'est le quartier des prostituées. N'est-ce pas? Les prostituées ne sont pas partout. Et il y a des endroits où tu les trouves, il y a des prostituées, ils sont partout, ils sont là. Et il y a d'autres endroits où ils n'arrivent pas, ils ne sont pas là. Il y a des endroits, si tu vas, on va te voler là-bas. Je ne sais pas pourquoi c'est l'endroit des voleurs. Et il y a d'autres endroits où les choses seront bien. Je déclare aujourd'hui, nous allons vivre là où Dieu veut que nous puissions vivre. Nous allons habiter où Dieu veut que nous puissions habiter au nom de Jésus. Gloire à Dieu. L'économie. Vous voyez ces gens? C'était un beau pays. Mais leurs affaires, seulement leurs affaires, c'était juste les cochons. Les cochons. Vous voyez comment les pourceaux sont sales. C'est beaucoup plus sale que ça. Alors le travail là-bas, c'était juste les pourceaux, les cochons. Quand quelqu'un a son argent après la retraite, il ne pense pas à autre chose, il va acheter des cochons. Quand tu as un salaire, il ne pense pas à d'autres affaires. Le travail, c'est seulement les cochons. Et les démons, et aussi décident les niveaux économiques de certaines personnes. Vous pouvez voir ici, certains, ils ont quelque part salon de coiffure. Il y a presque 500 salons de coiffure sur une même ligne. Et vous leur dites, pourquoi vous n'avez pas mis ça là-bas et là-bas, à plusieurs endroits. Et quand tu viens pour te faire coiffer, tu regardes, il y a beaucoup. Parce que l'économie là est dominée par ça. Tu vois voir que les gens voient, si un enfant va étudier l'ordinateur, l'informatique à l'église, tout le monde veut aller faire l'informatique. Et même quand on veut donner maintenant du travail, et tout le monde a étudié la même chose, et il y a aussi, il fallait qu'il y ait des économistes, des docteurs, il fallait qu'il y ait des infirmiers. Cela bloque l'intelligence des gens pour qu'ils puissent penser au-delà. Vous allez voir, il y a une personne. Les femmes, plusieurs filles qui veulent tous épouser le même homme. Il y a plusieurs hommes qui ne sont pas encore mariés. Mais toi, tu vois seulement, il faut seulement que le mari de l'autre là qui soit mon mari. Et l'autre veut aussi le même. Et vous trouvez le même homme qui a maintenant épousé 5 femmes. Et demandez-nous, nous autres qui sommes déjà mariés, c'est suffisamment de travail pour entretenir une seule femme? Viens me demander à côté. Une femme, c'est déjà du boulot. Il faut prier et jeûner. Amen. Et puis avoir cinq. Qu'est-ce que tu vas en faire? Nous sommes ensemble. Tu peux pas voir pour tes choses ce qui t'appartient parce que c'est l'habitude des démons. Recevons la délivrance. Recevons la délivrance parce que Dieu veut nous emmener là où ça nous appartient. Cet homme, quand il a été sauvé par Dieu, la Bible dit, il est allé en prêchant dans 10 villes. 10 cities. 10 villes. Bwana asifiwe. Amen. Huyu mwenye alikuwa anamuita demoniac. C'est lui qu'on appelait le possédé. Huyu mwenye alikuwa anaitwa legions. C'est lui qu'on appelait légion. Kumbe alikuwanga pastor. Il était pasteur. Lakini alikuwa amefungwa na shetani. Mais il était bloqué par le diable. Watu wanaweza kuwa nakuita saizi single. Les gens peuvent t'appeler célibataire aujourd'hui. Kumbe ni mke wa mtu. Mais tu es la femme de quelqu'un. Watu wanaweza kuwa nakuita saizi mwizi. Les gens peuvent t'appeler voleur aujourd'hui. Kumbe wewe unatakana kuwa banker. Mais il fallait que tu sois banquier. Watu wanaweza kuwa nakuita saizi mlevi. Les gens t'appellent soulard aujourd'hui. Kumbe wewe unastahili kuwa pasteur. Mais toi tu dois être pasteur. Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes quand ils sont sauvés de l'ivrognerie. Ils deviennent de pasteurs. Si les soulards là, il faut qu'ils soient des pasteurs. Ils ont un bon cœur, les soulards. Il peut entrer dans un bar. Il a laissé ses enfants sans rien à la maison. Et il va dire donner à tout le monde. C'est ça le travail du pasteur. Qu'on donne à tous. Jusqu'à ce que l'argent est fini. Et toi, tu vois, ça c'est vraiment un pasteur. Le diable l'a pris ici, il prit en otage ici. Mais c'est un pasteur. Vous voyez les féticheurs. Ce sont des prophètes. Mais le diable les a pris en captivité. Au lieu de venir prophétiser à l'église, ils sont en train de mentir aux gens là-bas. Au lieu de demander l'offrande, il dit amène une poule noire. Et viens, il faut mettre une corde ici. Mais s'ils sont sauvés, tu vas voir comment ils vont prophétiser au nom de Jésus. Anne était stérile. On l'appelait stérile. Mais the prophet. Mais elle était la maman de Samuel, le prophète. Quand cet esprit de stérilité l'a lâché, regarde sa destinée. Au nom de Jésus. Si tu veux savoir que tu as une grande destinée, regarde ta vie aujourd'hui. Là où on est en train de te coincer, si on te libère, tu es un feu. Amen. Tu es un feu. Qu'il faut que les gens puissent s'éteindre à distance parce que ce feu est dévorant. Si watiliwe, qu'on te libère. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Bwana Yesu aseme, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuseme amen. Amen. Wezi. Les voleurs. Wanakuanga ndio waliumbwa wangekuwa wanahesabu pesa wapi? Ce sont des gens qui devraient être des banquiers en train de compter l'argent. Unaona watu wenye wanakuaga hawana pesa wanalala njaa. Vous voyez les gens qui n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, ils manquent de la nourriture, ils manquent à manger. Wale ni wakulima wakubwa sana. Ça ce sont des grands agriculteurs. Shetani anakufungianga. Les diables te bloquent. Kinyume na ile kitu yenye unastahili kukua. En l'encontre de ce que tu devrais devenir. Alafu anaenda nakaa mahali na kuchekelea Mungu. Et puis il s'assoit quelque part, il se moque de toi. Atiangalia ulisema ni pasta. Il dit regarde, il devrait être pasteur. Regarde, il est maintenant soulard. Au lieu d'être appelé pasteur. Son nom est soulard. Ndugu yangu mmoja. Il y a un de mes frères anakunywa pombe. Qui boit beaucoup. Sana sana. Vraiment il boit. Lakini tunafanana. Mais on se ressemble. Sana. On se ressemble vraiment. Ukimkuta anakunywa. Si tu le rencontres en train de boire quelque part. Leo amejiburudisha. Tu vas dire aujourd'hui le pasteur a décidé. Ou dit pas Paul. Sasa kwingine. Et un jour il a décidé d'être propre et il est allé à l'église. Arrivé à la porte, Asha wakamkimbilia. Et le protocole l'a pris. Karibu pasteur, karibu pasteur. Bienvenue pasteur, bienvenue pasteur. Akukwata na Biblia. Il n'avait même pas de Bible. Wakamwambia Biblia iko wapi? On lui a demandé où est ta Bible pasteur. Kwa sababu anajua ukora. Parce qu'il sait. Akasema iko kwa gari. Et parce que lui il est malin, il a dit la Bible est restée dans la voiture. Wakamleta paka hapa. On l'a amené jusque devant. Akaka mbele. Il s'est assis là devant. Pasteur mwenye alikuwa anahubiri. Et le pasteur qui prêchait. Kila mara anasema eh sasa mchungaji ametutembelea. Il dit voilà, il y a le pasteur qui est venu nous visiter aujourd'hui. On lui a donné même un peu de jus. Vous savez comment le protocole prend soin de ceux qui sont ici devant. On lui a donné du jus. Parce qu'il ne sait pas comment on boit le jus. Sa main était en train de... Sa main tremblait. Et on lui a dit, la rencontre suivante, c'est toi qui prêches. Et il y a les autres qui disent, vraiment, ce type est béni. Il vient la première fois à l'église. Et on lui amène directement, il devient pasteur. Et il me dit, quand il est sorti de là, il n'est pas rentré. Parce qu'il a su que quand on va me dire de prêcher, maintenant là, je serai découvert. Non, le problème, c'est quoi? Dieu m'a dit, ce monsieur c'est un pasteur, mais le diable le bloque dans la ivrognerie, et moi je prie pour lui. Quand il sera sauvé, il aura une plus grande église que moi, parce que lui c'est un pasteur. Que le diable lâche nos destinées, que le diable lâche nos destinées. Quand tu vois tes enfants à l'école, si tu vois que le diable commence à les détruire, c'est la destinée. C'est la destinée. Destinée. La destinée. Tu n'as pas gagné. Nous combattons pour notre destinée. Quand tu vois le diable combat que tu ne puisses pas te marier, il sait que l'enfant que tu auras dans ce mariage, peut-être cet enfant sera le président. Et il dit, il faut que je puisse bloquer cette personne ici. Parce que s'il perce, moi je suis fini. C'est pourquoi Hérode a envoyé des gens pour tuer les enfants. Pour que Jésus ne puisse pas survivre. C'est pourquoi Pharaon a dit qu'on jette les enfants pour bloquer les destinées. Je suis venu vous annoncer. Nos destinées seront relâchées. Nos destinées seront relâchées. Nos destinées seront ouvertes. Nous serons là où Dieu veut que nous soyons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, moi j'étais loin. Moi j'étais celui qui est stérile. Et quand tu veux affronter, tu vas cacher cela. Et tu dis à cette personne, il ne faut pas dire qui t'a engrossé. Et là maintenant tu auras un enfant qui te ressemble. Si ton oreille a quelque chose, lui l'enfant aussi. Et tout ce que tu as, l'enfant aura. Et quand j'ai quitté cet endroit, et j'ai eu deux enfants, et ils sont forts. Il y a l'un d'eux qui chante. Il a déjà même son album. Et il est vraiment en train sa musique est en train de bien faire. Et les autres prêtres sont en train de me dire, et si tu étais resté ici, où seraient ces enfants? J'ai libéré ma destinée et Dieu m'a aidé au nom de Jésus. Aujourd'hui nous allons libérer ta destinée. Aujourd'hui ta destinée sera libérée. Comment le diable entre? Comment les démons entrent? Vite, vite. Comment ils entrent? Pour que demain nous puissions avoir l'opportunité. Premièrement, ils entrent par le péché. Ils entrent par le péché. Le péché, c'est la nourriture du diable et ses démons. Chaque péché que tu commets, chaque péché commis, attire les démons venant du ténèbre et ça les amène là où le péché a été commis. Dites amen. Kila dhambi. Chaque péché. Lakini dhambi kubwa. Mais le plus grand péché. Yenye awezi toroka pepo. Que tu ne peux pas fuir les démons. Dhambi ya C'est le péché de l'adultère ou de la débauche. Si tu couches avec quelqu'un, ton âme et son âme seront interconnectées. Il te transmet ce qui est en lui et toi tu reçois et lui reçoit ce qui est en toi. Je me souviens un jour, il y a quelqu'un qui était à l'église, il est tombé avec quelqu'un qui était prostitué. Et le lendemain matin, il est allé au travail. Il était le directeur, le manager. On l'a chassé du boulot. On l'a chassé. Après quelques temps, quand il revenait du bureau, on l'a pris, on l'a mis en prison. On a dit que les choses ont été perdues et que c'est lui qui a fait ça. Et ce n'était même pas lui. Et quand il était encore là en prison, sa femme et ses enfants, ils ont pris les choses, ils ont quitté, ils sont partis. Il est resté seul. Et puis les anciens de l'église disaient, il faut que ce type, on puisse aussi le chasser de l'église. Les démons qu'il a pris chez cette prostituée étaient en train de s'occuper de lui convenablement. Parce que cette prostituée était dans la rue. Lui a communiquer ces démons. Il ne peut pas travailler. Et ça a fait qu'il puisse être chassé du bureau. Cette femme était chaque fois au cachot. Et l'ami aussi au cachot. La prostituée ne peut pas rester avec une famille. Sa famille l'a abandonné. Gloire à Dieu. Tu couches avec quelqu'un qui a les démons qui brisent les familles. Et tu vois les gens qui couchent n'importe comment. Et ils commencent à frapper leurs femmes. Ils commencent à abandonner la famille. Parce que cette chose est entrée en eux. Si une femme quitte le mariage, et quand elle rentre dans le mariage, il y a quelque chose qui entre en elle. Et commence à mépriser son mari. Il y a d'autres mépris. Si tu vois ta femme commence à faire ça, il faut savoir que non. Quelque chose s'est passé là-bas. Parce qu'elle a porté ces choses d'un autre homme. Et cet esprit de l'autre homme est venu dans la maison. Et toi, tu es l'homme. Et celui-ci, c'est un autre homme qui est en elle, dans ta femme. Gloire à Dieu. Si tu couches avec quelqu'un qui a la malédiction de la pauvreté, ces démons vont entrer en toi. Quoi que tu fasses comme travail, tu vois ces hommes qui sont dans l'immoralité, même s'ils touchent combien, ce salaire sera fini dans les femmes. Et ils ne donnent pas même chez eux. Ils ne peuvent même pas aider leurs frères. Tout part. Il y a quelque chose qu'on appelle la connexion, le lien. Les âmes sont interconnectées. La Bible dit, si deux personnes se marient, les deux deviennent une chair. Ils deviennent une âme. Et ils deviennent une au travers des relations sexuelles. Aussi, il est écrit, si tu fais, tu commets la sexualité avec une prostituée, vous devenez un avec la prostituée. Ainsi, moi c'est l'âme et lui c'est l'âme. Si nous entrons dans les relations sexuelles, nous sommes comme ça. Nous sommes un. S'il va de ce côté, je vais avec lui. Si je vais dans la pauvreté, nous sommes ensemble. Si je vais dans le divorce, nous sommes ensemble. Si vous voyez quelqu'un qui couche partout, sans plan quelconque, et sa vie est éparpillée. Sa vie est éparpillée. Sa vie est éparpillée. Et il a une amertume en lui. Il a il est fâché n'importe comment. Chaque fois, ils sont fous. Parce que son cœur est brisé. Gloire à Dieu. Et cet esprit d'immoralité pepo yote. Apporte tous les démons. Kwa sababu inatoka hapa. Parce que ça vient de là. Na hapa inashikana na vizazi. Unaona et là, c'est connecté à la progéniture. Babu na babu na babu na babu. Les grands-parents, les aïeux, le papa et les papas et les grands-pères. Pako le babu mwenye alikuwa mwizi. Jusqu'au grand-père qui était voleur. Wanakuja wote wanaingia ndani yako. Viennent tous et ils entrent en toi. Et tu vas voir que tu ne méprisais pas, tu ne haïssais pas les gens, mais tu commences à haïr. Quand tu vois quelqu'un est béni, tu commences à dire qu'il a des fiers. It's called soul ties. Ces sons, ces liens-là. Tunavunja katika jina la Yesu. Et nous devons briser cela au nom de Jésus. Mtu yote mwenye umelala naye. Chaque personne avec qui tu as couché, mko moja na yeye. Vous êtes un avec lui. Unless you're delivered. À moins que tu aies eu la délivrance. Viens un peu. Si moi, lui couche avec moi, nous serons connectés ainsi. Et puis, il couche avec l'autre. On est aussi connectés. Que Pastor Noah vienne aussi. Et puis, moi, l'interprète, que je puisse coucher avec lui, nous serons aussi connectés. Et si tu couches avec une personne, tu es connecté à toute la chaîne qui ont déjà couché avec cette personne-là. Et lui aussi est connecté à toutes ces personnes qui ont couché avec toi. Alors nous voulons avancer. Pastor Noah a été appelé pour être pasteur. Il faut qu'il puisse aller prêcher. Le frère à gauche doit être manager quelque part. Il faut qu'il aille faire son travail. Moi je suis prophète. Il faut que j'aille prophétiser. Notre frère, il est enseignant. Il faut qu'il aille enseigner. Et chacun va de son côté. Et il y a la confusion. Et puis, en fin de compte, vous tombez tous. Que Dieu brise ces chaînes. Vous savez, ces péchés, ce péché de la sexualité, ça détruit la force de l'Église. Et si tu es dans l'Église, et tu es dans ces choses, que cela soit brisé aujourd'hui, que cela soit brisé aujourd'hui, que cela soit brisé aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons Amen. Gloire à Dieu. Le seul relation sexuelle acceptée par Dieu, c'est l'homme et sa femme, si le mari et femme. Nous sommes d'accord. Je déclare de cette chair, ce qui est accepté, c'est le mari et sa femme. Les autres histoires, non. Il dit non, c'est lui-même qui est venu. Et les gens qui couchent avec les gens, ils disent non, c'est elle-même qui s'est amenée. Toi, tu es un arbre pour qu'on vienne seulement sur toi. Tu as le pouvoir de la volonté. Pourquoi tu libères, tu donnes ton âme? Disons Amen. Je suis en train maintenant de détruire l'atmosphère. Regardons-nous dans les yeux. Si tu couches avec quelqu'un, tu t'es pas encore marié avec cette personne, tu vis dans le péché et les démons sont en train d'entrer en toi et ils sont en train de détruire ta vie au nom de Jésus. Et si tu n'es pas encore marié, il faut pas être pressé dans ces choses. Demande-nous qui sommes déjà dans le mariage. C'est pas dire que c'est tellement spécial. C'est pas chaque jour qu'on est dans les relations sexuelles. C'est pas le foufou. Tena. En plus, comment quelqu'un va te mépriser comme ça? Au lieu de voir ton intelligence, il regarde seulement ton corps. Regarde comment elle est façonnée. Ça, c'est mépriser quelqu'un. Au lieu de voir d'abord ton intelligence, il dit cette personne a des idées. Et puis finalement, quand quelqu'un couche avec toi, la probabilité qu'il puisse finalement t'épouser, it's almost zero. C'est presque zéro. Non, je, mwanaume, vous savez, un homme, kitu kubo kwa mwanaume, la plus grande chose pour l'homme, yenye anatafuta kwa mwanamke, ce qu'il cherche, c'est la femme. Ni hapo. C'est ça seulement. Et quand il a ça avant le mariage, pourquoi continuer encore à risquer? Tu commences à chercher ailleurs. Si mambo. Et tu as fini déjà là-bas, c'est fini. Kujua mutu ataki si tu veux savoir quelqu'un qui ne veut pas anataka t'épouser, kukutumia. Il veut juste t'utiliser. Akitaka kulala na wewe. Il veut coucher avec toi. Hey, il veut avoir des relations sexuelles avec toi. Hey, amen. Et puis demain, il faut que nous puissions briser toutes ces choses. Au nom de Jésus. N'est-ce pas? Fornication. Il y a la fornication. And adultery. Il y a l'adultère. Fornication. La fornication. Ningono kati ya mutu mwenye ajeolewa na ajeoa. Relations sexuelles entre ceux qui ne sont pas encore mariés, tous les deux célibataires. Adultery. Et l'adultère, c'est peut-être quelqu'un, un marié avec un non marié. Na mwenzake mwenye si wake. Ou avec quelqu'un qui n'est pas son époux ou épouse. Et tout ça, Mungu anakata. Dieu n'aime pas, Dieu refuse. Mapepo. Cela ouvre la porte aux démons. Familia. Dans la famille, pour entrer dans la famille et entrer dans la vie des gens. Aujourd'hui, à cet hôtel, refuse cet esprit au nom de Jésus. Et tout ça, mais amen. Amen. So, kama unafanya hiyo vitu, donc, si tu es dans ces choses, si tu funge, jeûnons. Tuongoje ndoa. Attendons le mariage. Mungu, respectons Dieu. Kama unakana mutu mwenye sio bwana yako. Si tu es, vis avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, kama unakana mutu mwenye si bibi yako. Tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, mwambie leo, dis-lui aujourd'hui, kama unanipenda, si tu m'aimes, tuachane kwanza. Laissons-nous, on doit se séparer. Séparons-nous. Kuja kwetu. Viens chez nous. Ama tuone pasta kwa office. Ou allons voir le pasteur à l'église. Hata tushugulikia. Et il va s'occuper de nous. Tupige Bwana Yesu makofi. Acclamons pour le Seigneur. Kuna dhambi inaitwa iniquity. Il y a maintenant l'autre qu'on appelle l'iniquité. Dhambi yenye imefanyika sana. Les péchés qui a beaucoup été faits. Unafanya kila, unafanya, unafanya, tu unafanya. Fais ça encore et encore. Paka inakuwa bondage. Jusqu'à ce que ça devienne un lien, une captivité, unaweza en captivité. Unaweza kuwa unapenda kusema uongo. C'est comme, par exemple, tu aimes beaucoup unasema, dire le mensonge. Unasema, unasema. Tu mens. Paka unadanganya. Jusqu'à ce que tu mens. Sio lazima udanganye. Là où tu n'as même pas besoin de mentir. Unajua kuna mahali ukidanganya. Tu vois, il y a des endroits où tu mens. Ata shetani mwenyewe anasema. Et même le diable lui-même s'est dit. Hapa hakukua na ujanja. Celui-ci, il avait même pas besoin de ça. Adanganya. Oh, il fallait vraiment mentir. Il y avait rien d'autre à faire. Ukidanganya ata shetani anashangaa. Et il y a d'autres endroits où tu mens et le diable est étonné. Hey, huyu anatumia hii uongo wetu vibaya. Il dit, hey, celui-ci utilise mal le mensonge. Il a exagéré. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est devenu une habitude. Ça devient partie de toi. Ça fait partie de toi maintenant. Les gens peuvent boire la bière jusqu'à ce que ils deviennent la bière. Vous voyez des maisons où on dit dans cette famille ce sont des soulards. Là ce sont des voleurs les membres de cette famille. Là c'est la famille des tueurs. Quand tu veux épouser, les gens demandent il vient d'où cette personne? Il vient de quelle famille? Et puis ils te disent ah, cette famille il faut être prudent. Parce qu'il y a l'iniquité là-bas. Il y a un péché qui a pris forme là-bas. Chaque personne qui est née dans cette famille, il y a ces démons qui entrent en lui. Et vous allez trouver plusieurs fois l'enfant du soulard devient soulard. Amen. L'enfant du voleur devient voleur à cause des démons qui viennent par l'iniquité. Je ne sais pas quelle est l'iniquité qui domine chez vous. Foundations. Les fondements. La Bible dit, si les fondements sont abîmés, que fera le juste? Quand les fondements, c'est là que notre vie commence. Si les parents étaient polygames, le papa a épousé plusieurs femmes, comme moi, comme mon père. Mon père a plusieurs femmes. Mon grand-père en avait trois. Les arrières, je crois, il en avait quatre. Donc ça ne peut pas être une surprise si je sors, je quitte le Congo avec une femme. Amen. Parce que c'est ça le fondement. C'est pourquoi quelquefois tu vas chez quelqu'un pour accuser. Il dit non, mon mari fait ceci et cela. Et la maman dit, ah, laisse ça. Nous sommes trois. Remercie Dieu que tu es encore toi-même. Ça, c'est le fondement. Amen. Si le fondement, il y a la pauvreté dans le fondement, même quand tu trouves un travail ou tu commences les affaires, si tu n'étais pas encore occupé de ça, à la dernière minute, tu vas rentrer dans la pauvreté comme ça se fait chez vous. Laisse-moi t'enseigner cela, que tu vois ça. Disons, tu es le seul qui a le travail chez vous, dans votre famille. Tu scolarises les enfants de tes frères. Tu scolarises les enfants de tes sœurs. Ils se battent dans leur foyer, ils viennent chez toi. C'est toi qui prends soin de la santé de tes parents. C'est toi qui leur cherche à manger. Et le moment où ce qui va rester dans ton salaire, tu ne peux rien investir. Ça va te bloquer. Les gens disent seulement que tu as un travail. Mais tu sais, il y a des gens ici qui ont juste un travail. Mais ils ne peuvent pas accomplir beaucoup. Les fondements. Ma belle-mère, elle a eu un problème de cœur. Et Dieu nous avait déjà élevés avec madame. Et on a pris la belle-mère pour prendre soin d'elle. Arrivé à l'hôpital, on nous a dit, pour faire l'opération du cœur, ils ont besoin de 4 millions de shillings. Des shillings du Kenya. Nous avons tremblé, 40 000 $. Nous avons regardé nos voitures. Nous avons vu tout ce que nous avons. Et nous avons dit, il faut vendre tout ça pour qu'elle puisse vivre. Et après, je me suis dit, attends, ça, ce sont les fondements. Ça commence à nous ramener en bas, à nous rabattre. Nous sommes tenus les mains. Nous avons prié. Premier jour. Deuxième jour. Le docteur nous a donné 7 jours. Il a dit, si vous ne trouvez pas cet argent, ah, elle sera morte. Et puis, quelquefois, on s'est dit, peut-être c'est Dieu qui n'a pas encore répondu. Nous commençons à chercher quelqu'un pour acheter la voiture. Quand la personne vient pour acheter la voiture, on se rend compte, ah, nous avons la foi. Et puis nous disons non, non, non. Nous continuons à prier. Et puis nous, quand nous allons voir maman, elle nous dit, mes enfants, au revoir. Et nous quittons encore, nous allons dehors. On cherche quelqu'un pour acheter la voiture. Nous avons refusé. Nous avons dit non, nous n'allons pas rentrer dans les fondements. Vers le 7e jour, le docteur vient. Il a dit, laisse-moi lui donner quelques médicaments. Et vous allez me donner 50 000 shillings par mois. Pendant 5 ans. Et puis je veux voir si cela va guérir. Et nous avons dit merci. Parce que les 50 000, on peut réussir. Même si ça va nous consommer beaucoup. Et puis 1, 2, 3 mois, on a commencé à se dire, au lieu que ces 50 000 shillings, nous puissions utiliser ça pour faire des projets. C'est en train d'aller. Oh, on dit c'est ça, c'est un des fondements. Il faut qu'on refuse. On a commencé à briser cela dans la prière. Un autre jour, elle est rentrée à l'hôpital. Le docteur lui a dit, là, maintenant, tu es guéri. Tu vas maintenant utiliser les médicaments de 5 000 shillings par mois. Et maintenant, nous comptons rentrer à l'hôpital. On va nous dire que c'est fini maintenant. Nous avons brisé les fondements. Il y a la façon où le diable veut te retourner là où tu étais, d'où tu es venu. Tu es déjà marié? Ou tu es marié? Il y a quelque chose qui se passe. Et vous vous séparez. Les fondements. Amen. Amen. Un grand pasteur nous a dit, chaque jour, quand il voit les filles, il voit ses, il a envie de les épouser. Une fille pas seulement devant. Non, il ne veut même pas seulement coucher avec elle. Il veut les épouser. Tu vois des gens qui arrivent chez toi, ils ne disent rien. Il veut te marier, il veut t'épouser. Il te connaît même pas et il te dit, est-ce que je peux t'épouser? Il faut fuir cette personne. Parce que Dieu a créé les hommes juste pour qu'ils puissent avoir un langage bon. Play hard. Ils parlent bien. C'est pas dire, viens que je puisse t'épouser. Et puis, oh non, je t'épouse directement. Le lendemain, tu vas retourner chez vous. Alors, il a vu cette histoire va faire tomber mon ministère. Il s'est il s'est souvenu de son père qui a trois femmes. Ses oncles, trois femmes. Ses frères, trois. Là-haut, trois. Il s'est rendu compte que c'est les fondements. Et quand nous allons à la maison tous, quand chacun veut présenter sa femme, quand eux, ils présentent leur femme, toi aussi, il faut présenter tes femmes. Les fondements. When the foundations are destroyed, quand les fondements sont ébranlés, what can the righteous do? Que fera le juste? Si les gens ne se marient pas chez vous, oui, ils ne se marient pas. Sana sana, surtout, utakuta watoto wawili watatu, tu vas trouver deux, trois enfants lazima wakue hivyo. Sont de la même manière. Sina kuambia, ma dada zangu wote waliza nyumbani. Je vous ai dit que toutes mes sœurs, ils ont enfanté un temps encore à la maison, na, hors kwa, mariage. Kwa kina baba yangu, karibu kila shangazi wetu waliza nyumbani. Et chez mon père aussi, toutes les tantes aussi, c'est la même chose. Kwa kina mama yangu, karibu kila mmoja waliza nyumbani. Chez ma maman, presque tous aussi. C'était honteux, mais on s'est dit, il y a quoi pour avoir honte? Même votre maman, c'était la même chose. Et vous voyez qu'elle évolue bien, votre maman. Les fondements. Nous avons brisé ces fondements. Et ils sont maintenant mariés. Au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons finir. Les malédictions. Cases. Les malédictions. Il y a des gens qui ont des malédictions sur eux. Les malédictions attirent les démons pour venir détruire notre vie. S'il y a une malédiction sur ta vie, il y a des gens qui ont la malédiction de mariage, ils ne peuvent pas se marier. Il y a ceux qui en ont sur les finances, ils ne peuvent pas être riches. Il y a ceux qui sont maudits dans le ministère, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Il faut briser cela. Au nom de Jésus. Disons Amen. Tuseme Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea kesho kidogo covenants, worship na ile mambo mengine. Continue avec les autres points demain. Kwa dakika 10 za kwanza. Pour les 10 premières minutes. Alafu sasa tufanye maombi. Et puis nous allons entrer en prière. Kesho tunakuja kufanya maombi. Demain nous venons pour la prière. Tufunge kesho. Soyons vraiment en jeûne demain. Ceux qui continuent à manger, demain ne mangez pas. Soyons en jeûne demain. Et nous allons nous retrouver ici. Je veux demander le micro à temps pour que nous puissions commencer la prière. Amen. Il faut que le diable nous lâche. Il faut que le diable libère nos vies. Il faut qu'il libère nos mariages. Il faut qu'il libère notre travail. Il faut qu'il libère nos enfants. Il faut que nous puissions entrer dans notre destinée au nom puissant de Jésus. Lévons-nous. Le temps est passé. Nous allons prendre 3 minutes. Juste 3 minutes. Il y a beaucoup de choses. Mais je suis venu juste pour 4 jours. Ferme les yeux. Élève tes mains. Dis à Dieu. Ces démons. Et tous ces esprits. Qui vivaient en moi. Qui est en train de bloquer ma destinée. Dieu, je veux que cela quitte. Au nom de Jésus. Yote, tous ces démons kwangu, qui sont entrés en moi zambi, au travers du péché, usherati, au travers de la prostitution, kulalala na watu, au travers de coucher avec Mungu les gens par-ci itoke. Par-là. Seigneur, que cela yote, yenye tous kwangu, les démons qui sont entrés en moi yangu, au travers de mes fondements, Baba itoke, Seigneur, que cela libère kwangu, ceux qui sont entrés en moi laana, au travers les malédictions, itoke, Seigneur, que cela libère. Ongea na Mungu dakika moja. Parle à Dieu une minute. Ongea dakika tu moja. Une minute. Peke yake dakika tu moja ongea na Yesu. Kwa sababu kesho tutaongea na Yesu sana. J'aimerais avant que nous puissions prier ensemble, parce que je vais donner la parole au pasteur après ça. Demain, soyons en jeûne. Ne mangeons pas. Soyons vraiment en jeûne. Même si tu as les maux d'estomac, je sois en jeûne. Aita kusumbua. Ça ne va pas te déranger demain. Na utapona. Et tu seras guéri. Gloire à Dieu. Nambari ya pili. Deuxième chose. Tutakuja kuvunja vitu ya shetani. Nous allons venir pour briser les choses du diable et détruire les autels du diable. Kisha tutajenga madhabahu ya Mungu. Après, nous allons bâtir l'autel de Dieu. Yako binafsi, pour sur toi-même, ya familia yako, pour ta famille, ya muji, et la ville, na yetu kama kanisa, et aussi pour nous en tant qu'église. Na tutaingia kwa maagano, nous allons entrer en alliance pamoja na Yesu, avec Jésus. Maagano ya damu ya Yesu. Les alliances du sang de l'agneau. Bwana Yesu asifiwe. Gloire à Dieu. Alafu itakuwa manake, hautakuwa ukisimamiwa na madhabahu ya zamani. Et ainsi les hôtels passés ne vont plus régner sur toi. Utasimamiwa na madhabahu mpya. Maintenant il y aura un hôtel nouveau. Yenye wewe mwenyewe umejenga. Que toi-même tu as bâti. Na unajua inaitwa nini. Et tu sais le nom de cet hôtel. Si tuseme amen. Disons amen. Bwana Yesu asifiwe. Gloire à Dieu. Kila madhabahu, chaque hôtel ujengwa est bâti na kafara par quelqu'un. Sadaka par les offrandes. Kila madhabahu, chaque offrande chaque hôtel. Chaque hôtel, les hôtels ont été bâtis par that's les offrandes. Kwa mganga, c'est pourquoi quand tu vas chez le féticheur, leta kuku, il va te dire amène une poule, leta maziwa, amène du lait. Iyo ni sadaka. Ça c'est l'offrande. Pia madhabahu ya Mungu, et aussi lazima kitu l'hôtel kitu de Dieu, kitu il faut qu'il y ait un sacrifice. Sadaka. L'offrande. Kesho ukuje na kafara, demain viens avec ton offrande. Quand nous allons bâtir l'autel, nous allons mettre l'offrande. On ne va pas mettre là dedans. On va mettre ici sur l'autel, pas dans le panier. Hapo, et après cela, baraka, nous allons déclarer la bénédiction vitu yetu, et nous allons recevoir ce dont nous Yesu. Avons besoin au nom de si Jésus. Amen. Disons amen. Ayas, kwa haraka. Rapidement. Sema na mimi Bwana Yesu. Nainua mikono juu siku ya leo. Nimepokea neno lako. Nimepokea roho wako. Katika jina la Yesu. Umenifungua macho. Ninasema ni asante. Baba wa mbinguni, hii mwili yangu ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Na leo Mwenyezi Mungu, ninakataa roho za shetani, roho za uchafu kuishi ndani yangu, kuishi kwa maisha yangu katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, zile roho zote ambazo zimeishi ndani yangu zimenipatia majina yao, tabia yao, personality yao, zimenipatia matendo yao, majina yao, mahali pao, zimenipatia tabia yao ya uchumi. Baba, siku ya leo ninazikataa, ninazikataa, ninazikataa, ninazikataa, ninazikataa, ninazikataa katika jina la Yesu. Kwa haraka tu, rapidement, enulia Mungu mikono. Elève tes mains. Sema Bwana Yesu, dhambi zote ambazo nimezifanya zikafungulia shetani nafasi ya kuniwekea mapepo yake, ninakuja kwako, ninakuomba unioneshe na unitakase katika jina la Yesu. Dhambi zote za uongo, za ulevi, za wizi, za uchawi, za ulozi, dhambi zote za kukataa kusikia neno la Mungu, Baba, ninaleta mbele yako leo ninakuomba unisamehe katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, dhambi haswa za ngono ambazo mimi binafsi nimefanya kwa maisha yangu kabla ya ndoa na nje ya ndoa, mtu yeyote ambaye Mwenyezi Mungu nimeshiriki na yeye matendo ya ngono, mtu yeyote ambaye mimi nimelala naye na sie mwenzi wangu wa ndoa, Baba, siku ya leo ninakuomba unisamehe mapepo yote niliyoyapokea kwa sababu ya dhambi ya ngono, kwa sababu ya kulala na mtu. Baba wa mbinguni, siku ya leo ninakuomba unisamehe popote pale nimeshikanishwa nafsi yangu na mtu kwa sababu nilifanya mapenzi na yeye. Baba wa mbinguni, ninakuomba siku ya leo unisamehe. Damu ya Yesu unitakase kutokana na dhambi zote za ngono, zile maroho ambazo zinakuja kwenye ndoto saa za usiku na kulala na mimi na kunichafua. Baba wa mbinguni, siku ya leo unisafishe na damu ya Yesu, unisafishe na damu ya Yesu, unisafishe na damu ya Yesu, unisafishe na damu ya Yesu, unisafishe na damu ya Yesu, unisafishe na damu ya Yesu, unisafishe na damu ya Yesu, unisafishe na damu ya Yesu, unisafishe na damu ya Yesu. Tukienua tu mikono yetu juu, ongea na Mungu, élevé, parle avec Dieu. Na umwambie ukweli. Dis-lui la vérité. Ambia tu ukweli. Dis-lui la vérité. Kuhusu maisha yako ya dhambi. Sur ta vie de péché. Alafu ndio tukue na nguvu ya kutubu. Pour que nous puissions avoir la force de nous repentir. Funga tu macho, inua mkono juu. Ferme les yeux, élève tes mains. Na umwambie Mungu ukweli. Et dis à Dieu la vérité.